voix de la résistance. Sur les murs de la ville, la culture se perd. Les écrans nous captivent, nous devenons des cerfs. Les traditions s'effacent, remplacées par des fers. La liberté s'éloigne sous un joug de misère. Éveille-toi, ne laisse pas l'ombre gagner. Retrouve ta voix, ne te laisse pas enchaîner. La culture est un trésor, ne la laisse pas s'éteindre. Libère ton cœur, ne laisse pas ton âme se plaindre. Les chemins raccourcissent, nous mènent à l'asservissement. Les valeurs oubliées, remplacées par des mensonges. La dépendance nous lit dans un monde de contraintes. L'oppression nous guette dans chaque coin de nos vies. Éveille-toi, ne laisse pas l'ombre, retrouve ta voix, ne te laisse pas enchaîner, la culture est un trésor, ne la laisse pas s'éteindre, libère ton cœur, ne laisse pas ton âme se plaindre. Les chaînes invisibles nous retiennent captifs. La soumission s'installe dans nos esprits passifs. La tyrannie s'impose dans un monde oppressif. La liberté se meurt dans un silence massif. Éveille-toi, ne laisse pas l'ombre gagner. Retrouve ta voix, ne te laisse pas enchaîner. La culture est un trésor, ne la laisse pas s'éteindre. Libère ton cœur, ne laisse pas ton âme se plaindre. Les chemins de la liberté sont pavés de courage, la voix de la résistance résonne dans chaque page. La culture est un phare dans un monde de mirage. Ne laisse pas l'oppression devenir ton héritage. Ton héritage. Éveille-toi, ne laisse pas l'ombre gagner, retrouve ta voix, ne te laisse pas enchaîner. La culture est un trésor, ne la laisse pas s'éteindre. Libère ton cœur, ne laisse pas ton âme se plaindre. Les chaînes se brisent dans un élan de foi. La liberté renaît dans chaque cœur qui croit. La culture s'épanouit dans un monde de joie. Ne laisse pas la servitude dicter ta voix. Éveille-toi, ne laisse pas l'ombre gagner. Retrouve ta voix, ne te laisse pas enchaîner. La culture est un trésor, ne la laisse pas s'éteindre. Libère ton cœur, ne laisse pas ton âme se plaindre. Les traditions revivent dans un souffle de vie. Les valeurs se renforcent dans un monde unifié. La culture est un pont entre passé et avenir. Ne laisse pas l'oppression te faire défaillir. Éveille-toi, ne laisse pas l'ombre gagner. Retrouve ta voix, ne te laisse pas enchaîner. La culture est un trésor, ne la laisse pas s'éteindre. Libère ton cœur, ne laisse pas ton âme se plaindre. Les chemins de la liberté sont pavés de lumière. Les voix de la résistance résonnent dans l'univers. La culture est un joyau dans un monde de fer. Ne laisse pas l'oppression devenir ton enfer. Éveille-toi,